Et auditeurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile de Plusieurs sur antenne 94 MHz. Ça, c'est pour le direct le lundi à partir de 21h30 et des poussières, ou aussi à partir du blog asile35.blogspot.fr, où on poste les émissions semaine après semaine avec des bonus, et aussi également sur le mixcloud.com/renman, un nouveau programme de variété de traviol comme chaque semaine dans l'Asile le plus sûr, et on attaque avec une réédition. Il s'agit du combo de Birmingham mené par la voix de Rosie Coxton des années 90, le fameux groupe Pram, très inspiré par les Slits, les Raincoats, Cannes, Faust et pas mal d'autres choses. Ils avaient sorti un bon petit paquet de disques à partir de l'orée des années 90. On les avait suivis dans cette décennie, on les avait vus en concert d'ailleurs, je ne sais plus trop si c'était en 95 ou en 97. Tout ça ne nous rajeunit pas, en tout cas c'était au Tonton Flingueur. Pram, à l'occasion de la réédition de leur tout premier album long qui s'intitulait The Stars Are So Big, The Earth Is So Small, Stay As You Are, titre extrêmement à rallonge. Pram, qui avait sorti un premier EP sous le titre Gash et qui avait rejoint l'écurie Too Pure, qui comptait en ses rangs Stereolab et autres Mouse on Mars. C'était aussi l'époque où on écoutait pas mal Moonshake, ce genre de choses. Et donc le label, le bien nommé Medical Records, vient tout juste, ou va rééditer plutôt ces jours-ci, le premier album de Pram ainsi que le second qui s'intitulait Helium. Et je propose d'écouter un titre de ce Stars Are So Big, le morceau qui collera très bien au programme L'Asile le plus sûr. Le titre Loco par Pram. We'll be right back. Grand Mauser Was a Fish par Sunfoot, ce groupe d'art rock américain, un trio qui a sorti ce disque excellent Round Dice Fried Combo chez Mississippi Records en coproduction avec Ozon Vista. C'était au mois de septembre de l'année dernière, je le découvre juste cette semaine, cet excellent projet mené par Ron Burns qui a fait partie de Smog et de Hot Spy Dancers. Chris Johansson, qui est un artiste visuel qui a fait partie de Deep Roots, un groupe de San Francisco, et Brian Mumford, un peu plus connu en ce qui me concerne, qui a fait partie de Jackie O Motherfucker et qu'on avait pu voir en solo sous le nom de Dragging an Aux Through Water lors du festival Mississippi Records qu'avait organisé notre camarade Jeff à la salle de la cité il y a de ça 3 ans. Et donc Sunfoot avec une très belle pochette signée par le designer des pochettes de Crass, d'ailleurs David King, un disque avec pas mal de percussions, des guitares très très décalées et des voix tout autant. Excellent disque ce Round Dice Fried Combo par Sunfoot. Et juste avant, il s'agissait du vieux groupe Pram qui renaît de ses cendres à l'occasion de 2 rééditions qui vont sortir début du mois de mars sur Medical Records en vinyle rouge 180 grammes s'il vous plaît. Les 2 premiers albums, The Stars Are Big, The Earth Is So Small, Stay As You Are, et le second qui s'intitulait Helium, 2 disques un tantinet moins connus que les suivants qui sont des disques de l'époque classique de Pram, le fameux Sargasso Sea et le North Pole Radio Station, mais en tout cas 2 disques à redécouvrir qui sont très très fameux, de ce fameux combo mené par la chanteuse Rosie Coxton qui signait tous les textes, et puis pas mal de musiciens. C'est un groupe plutôt à géométrie variable qui ne doit plus du tout exister. Je crois qu'ils ont continué à sortir des disques dans les années 2000 jusqu'à peu près 2007-2008, mais on n'en a plus de traces de Pram. Alors peut-être qu'ils vont se reformer à l'occasion de ces rééditions. On va continuer avec un projet totalement solo. Il s'agit du disque de Hassan K sous le titre L'Exil Accidentel, sorti par le label de Lille Tandoori Records, et c'est le projet de monsieur Kevan Alingani avec un titre qui vient d'une phrase tirée de L'Exil Occidental, pensée et récit mystique du philosophe perse Sohrawardi. Alors je ne sais pas si ce Sohrawardi a vraiment existé. En tout cas, Kevan Alingani est apparemment un artiste multimédia qui réside du côté du campus de Lille et qui apparemment fait aussi de la musique un peu dans tous les sens, puisqu'il joue de tous les instruments acoustiques et aussi instruments virtuels midifiés sur cet album. Alors autant de la guitare que de la batterie et puis pas mal d'effets. On va écouter 2 titres pour s'en rendre compte, et on démarre par le titre qui ouvre cet album de Hassan K. Hikayat, L'Exil Accidentel. On écoute le titre Ilam pour démarrer, et il y en aura un second juste après. We'll be right back. Third floor. Fifth floor. Fifth floor, friend association. 13th floor. Superstitions Club. 21st floor. Suicide candidates. No use trespassing. 55th floor. Kitchen. Gonna rock around the park tonight. 69th floor. Error Center. Machines Club. Floor 1001. Parad Nightclub. Floor 2001. Space Nightclub. Floor 5005. El Mato Azul. Floor 50003. Elevator speed limitation incorporated. Floor Donc une grosse poilade sonore sur l'antenne du 94 MHz dans l'Asie le plus sûr qui a démarré avec le disque Hassan K, Hikayat, l'exil accidentel publié par Tandoori Records, l'excellent label de Lille en coproduction avec Darling Dada et Étienne Disc. Kevan Alinagi, d'origine iranienne, qui mélange pas mal de choses, notamment des robots centaures midifiés avec de la flûte et de la guitare et de la batterie. Il y a un côté un petit peu matrock aussi sur les bords, sur l'exil accidentel. Disque plutôt pas mal, pas complètement abouti, peut-être parce qu'il est entièrement tout seul. Ça doit être plutôt fameux à voir sur scène, puisqu'apparemment il s'accompagne de projections de fumée et de couleurs, voilà, avec des lumières qui réagissent au son. Ces spectacles de Kevan Alinagi et son disque Asankei Hikayat. Et c'était enchaîné avec le retour de Vidéo Aventure. Vidéo Aventure n'est jamais très loin avec l'Asie le plus sûr, puisque c'est eux qui avaient signé le fameux générique de l'émission, le titre Telstar, vers 1978. C'était sur le premier maxi musique pour garçons et filles qui était sorti chez Recommended Records. Et Vidéo Aventure avait sorti une autre galette vinylique vers 1984 sous le titre Camera in Focus, Camera al Riparo, qui était sorti sur étiquette Tagomago, qui était le label dont s'occupait Pascal Bussy à l'époque. Et ça a été réédité depuis, notamment dans les années 90-2000, notamment par Spalax. Il y a eu aussi des rééditions en vinyle, d'ailleurs, de Camera in Focus, Camera al Riparo. Et juste en début d'année, une nouvelle réédition avec un nouveau mastering sur étiquette américaine Megaphone Knock M Dead Records, ce qui donne l'occasion donc de redécouvrir la musique assez farfelue de Vidéo Aventure. Là, il s'agissait d'un titre de notre camarade Dominique Grimaud qui signait l'électronique et le saxophone en compagnie de Guigou Chenevier à la voix et aussi aux percussions, le titre Crazy Elevator, qui faisait pas mal penser à des musiques de cartoon. Le disque est très très varié, un peu à l'image de ces différents invités, le guitariste spécialiste de la steel guitar Cyril Lefebvre, également Jacques Bérocal sur plusieurs morceaux et notamment sur le fameux titre Séquence, et Monique Alba bien évidemment, donc de Vidéo Aventure. Voilà donc un disque à redécouvrir et une performance aussi peut-être à voir si vous êtes sur Paris cette semaine de Dominique Grimaud en compagnie de Véronique Videt. Vous avez pas mal passé la musique de leur nouvelle production sous le titre de A, qui est sorti en fin d'année dernière. Ils seront en concert dans la boutique Le Souffle Continue, ce sera ce jeudi 18 février, donc pour le mélange Moog Synthesizer de Dominique Grimaud et batterie cymbale de Véronique Videt, avec un côté post-kraut bien évidemment. Et tout ça donc dans le 11e rue Gerbier à la boutique Le Souffle Continue. On va continuer avec une production que je vous ai déjà proposée fin janvier et qui sort ces jours-ci, qui est sortie le 12 février sous étiquette Duredou et Bigout Records. C'est le nouvel album de You Can Dance qui s'intitule Awo, donc le combo d'Ethiopo Noise dans lequel on retrouve Asnake Ghebreyes en compagnie de musiciens français, de quatre musiciens lyonnais, dont le fameux joueur de guitare baryton Damien Cluzel, qui fait partie des projets Kuma et Polymorphie. Alors, je vous avais passé un titre assez court de ce You Can Dance. Je propose cette semaine d'écouter le titre le plus long de cet album, le morceau Ambassel to Bruxelles, couplé à Woobit, extrait de ce AO par You Can Dance. kemen aita shi yitum te jalles re sa shintetash wobit de mahuni Yeah. en Basel, tout Bruxelles est couplé avec Woobit, deux titres de You Can Dance, la plage la plus longue de ce 33 tours sous le titre de Awo qui vient tout juste de sortir sous étiquette Dur et Doux et Bigout Records, deuxième album en date, le premier était sorti en 2012 sous le titre Ye Chaval. Et donc comme toujours les compositions sont signées du guitariste Damien Cluzel. Mais c'est vrai que sur le titre qu'on entendait, c'était vraiment les contretemps du batteur Guilhem Meyer qui faisait merveille, ainsi que le saxophoniste de You Can Dance, monsieur Lionel Martin, et bien évidemment la voix d'Esnaque Ghebreyes qui fait partie du trio Mohamed, Jimmy Mohamed, et qui réside aux Pays-Bas et qui s'adjoint les services de ses musiciens lyonnais assez régulièrement. On va continuer avec un projet qui répond au doux nom de Tarzana, qui est la rencontre entre Spencer Clark, l'ex-skaters, qui faisait plutôt de la noise et qui s'est reconverti dans une sorte de musique exotica électronique assez étonnante depuis quelques années, notamment avec son alias Egyptian Sports Network. Enfin, il a quantité de noms, de projets. Il collabore aussi aux côtés de Mark McGuire de Emerald, et au sein de ce Tarzana il est en compagnie de Jan Andersen, le musicien finnois qui joue dans Kemialiset Istavat et dans Tomu Tontu. Alors c'est plutôt monsieur Spencer Clark qui mène la danse, Jan Andersen qui fait des loops et qui accompagne la musique de Spencer Clark sur ce disque Alien Wildlife Estate, sorti sous étiquette belge Pacific City Sound Vision. Donc une jungle assez luxuriante, je vous laisse en juger avec le titre Deep Ocean Ibex Arena, extrait de ce disque de Tarzana. Thank you. Thank you. Festa Malara. Allora non mi piace ballare. Allora non mi piace ballare. Allora non mi piace ballare. C'est vrai qu'elle groove à mort, même si elle a tantiné occulte ou un peu psyché occultiste, cette musique de rien virgule et ce disque 30 jours à grande échelle. Elle groove notamment grâce à la manière dont Mathias Pontevia actionne ses fûts avec un très très bon drive en compagnie de ses camarades, les deux électro-acousticiens Manuel Duval, Jean-Marc Reya et Anne Carrel. l'oreille, à la voix et aussi électronique. Rien virgule, donc ce disque 30 jours à grande échelle, sorti en fin d'année dernière sur La République des Granges, en coproduction avec Les Potagers Nature, Animal Biscuit, Microlab, Attila Tralala, j'en passe. Et Rien virgule qui sera en concert cette semaine dans les parages. Ils joueront ce samedi dans le cadre du festival Câble numéro 9. Ce sera donc samedi 20 janvier à Nantes. Concert de Rien virgule qui aura lieu aux ateliers de Beach, avec également LG et Damien Schulz, à ne pas manquer Floris Van Oof, Rice Corps, Sly and the Falmidrone et Sally Goldin. Programmation du festival nantais entre ce jeudi 18 février et dimanche soir tard, avec aussi des performances l'après-midi sous le titre I am sitting in an hotel room. Ce sera à l'hôtel Pommeret entre midi et 17h samedi et dimanche, avec pas mal de performances multimédia par 6-8 artistes qui défileront dans l'après-midi. Alors je ne vais pas vous refaire toute la programmation du Festival Câble, on en a déjà parlé dans les précédentes émissions, juste pour vous rappeler que la programmation est disponible sur le site câblenantes.org. Et Rien virgule sera aussi en concert à Rennes cette semaine, le lendemain, ce sera le dimanche 21 février au Terminus, dans le cadre d'une soirée l'Alambic, avec également Krag Rangoon Institute of Mantral Health. Rien que ça, c'est un des musiciens de France Sauvage, monsieur Arnaud Breuil, et il y aura aussi Prune Béchaud et son crin-crin magique, qui sera aussi de la partie, qui joue aussi au festival nantais Câble. Je crois que ce sera le vendredi qu'elle fera sa performance, Prune Béchaud, le vendredi au restaurant social Pierre Landais ou au Cosmopolis. Voilà, il y a deux événements le midi, entre midi et 17h d'ailleurs, et aussi à 19h au Cosmopolis, avec également Marc Fell, Sec et Bruce McClure, qui assureront des musiques électroniques expérimentales. Juste avant Rien virgule, il s'agissait de Tarzana, le projet de Spencer Clark, qui n'était pas en solo sous le nom de Monopoly Child Star Searchers, mais en duo cette fois-ci avec Jan Andersen de Tomu Tontu, ce qui n'est pas très étonnant. Ils font une musique assez psyché, bizarre, assez proche l'une de l'autre, ces deux musiciens, Spencer Clark, l'américain, et Jan Andersen, le finnois. Tous les deux, ça s'appelle Tarzana, et le disque s'intitule Alien Wildlife Estate, sorti sur le label Pacific City Sound Visions. On va continuer avec un jeune duo italien qui est assez époustouflant, je dois dire, duo entre un soufflant et un percussionniste, ce qui s'est déjà beaucoup entendu dans le domaine du jazz free et des musiques improvisées. Mais ces deux musiciens sont plutôt très fins et très inventifs. Il s'agit de Riccardo Marogna et Riccardo La Foresta, et tous les deux ils forment le Shoshin Duo. Ils avaient déjà sorti un premier disque à tirage assez limité, c'était un live qui était sorti en début d'année, qui m'avait déjà beaucoup impressionné, et celui-ci s'intitule Free the Cat, sorti sous étiquette italienne sur le label Setola di Maiale. Et je vous propose d'écouter deux titres enchaînés de cet excellent disque Free the Cat, le duo Shoshin. Yeah.

Et bien voilà ce qui arrive quand on donne un coup dans son sampler. Et c'était deux disques enchaînés et trois morceaux au total. Tout d'abord, le Shoshin duo, la rencontre entre Ricardo Marogna et Ricardo La Foresta. Excellent duo batterie et saxophone ou clarinette selon les titres. Ce disque Free the Cat, sorti sur Setola di Maiale. Un disque très très recommandable d'impro free qui était enchaîné avec le disque entièrement tout seul ou en miroir du contrebassiste et bassiste Joachim Florent qu'on avait connu au sein du combo Jean-Louis et qui fait cavalier seul de temps à autre, notamment sur ce disque After Science qui vient tout juste de voir le jour sous étiquette Quax Records. Et c'était pour nous rappeler que Joachim Florent joue la semaine prochaine, jeudi 25 février, au fameux lieu rennais La Maison de la Grève, dans une soirée où vous pourrez aussi admirer et entendre le trio War, dans lequel on retrouve Ronan Courtier à la contrebasse, en compagnie de Will Guthrie à la batterie et de Alan Régardin à la trompette, Larsen et autre joyeuseté. Tout ça, c'est à partir de 20h30 à la Maison de la Grève. Et donc, c'est en entrée libre ce jeudi 25, le concert de War et Joachim Florent. On va se quitter avec un dernier titre, le temps de vous rappeler que les podcasts, playlists et autres bonus sont entièrement disponibles sur le blog asile35.blogspot.fr. Et on va se quitter avec un dernier album et une toute nouveauté. Ça vient tout juste de sortir, c'est tout chaud. Il s'agit de réinterprétation de pièces assez célèbres du compositeur Karlheinz Stockhausen, de son fameux cycle Aus den Sieben Tagen, sous-titré en français Des 7 jours, ensemble de 15 compositions de musique intuitive qu'il avait écrite dans un passage qu'il traversait, une sorte de crise après une séparation en 1968. Et ça avait été joué par des musiciens interprètes de musique contemporaine très très ouverts qui jouaient la musique de Karlheinz Stockhausen. Et cette musique revoit le jour à l'occasion d'un disque qui réunit l'ensemble allemand Zeitkratzer en compagnie de Keiji Eino, l'ensemble Zeitkratzer qu'on suit depuis pas mal d'années, puisqu'ils existent depuis au bas mot 15 ans, et qu'ils se consacrent à la défense et l'illustration de la musique expérimentale autant électronique. Ils ont joué notamment aux côtés de Karsten Nikolai, de Ter Temlitz, de White House aussi, par exemple, beaucoup de gens de la noise et des musiques assez extrêmes expérimentales telles que John Duncan. Ils étaient illustrés aussi par leur interprétation du Metal Machine Music en compagnie de Lou Reed. Ils avaient joué aussi aux côtés de Monsieur Karkowski. Ils avaient joué aussi beaucoup de musique contemporaine un peu classique des années 60-70 telles que les pionniers Alvin Lucier, John Cage, James Tenney. Et ils avaient déjà consacré un disque dans leur série Old School à la musique de Karlheinz Stockhausen et ce fameux Aus den Sieben Tagen. Mais à l'époque, il n'y avait pas la voix de Keiji Eino qui rajoute beaucoup à ces pièces assez incroyables. Et on va se quitter pour cette semaine avec un extrait de ce disque et de ce Aus den Sieben Tagen, le titre Verbindung, qui doit vouloir dire quelque chose comme connexion, ce qui sera un très très bon prélude à une très très belle nuit et à une belle semaine. À bientôt. Thank you. Thank you. We'll be right back. Thank you. Bye. cadris qualitas, adustaquam redit cutis, duersa utrosque per muet, is nidor, ilis nectarest. Idemque sensus dispari, variatus aura aut ad ficit, horore nares mindice, aut mulcet oblect. Suavius, cactum, devour.